ça, baby. Dis-moi pourquoi tu fais la tête. J'ai l'impression que t'es pas prête à recevoir tous mes compliments. Baby, jamais je n'oserais me lancer. Je t'ai vu tous les repousser. Bébé, viens dansons doucement. T'es trop fraîche, oh là là. T'as trop de swag, oh là là. Mais tu fais ta princesse, oh là là. Hey, malgré tes manières, tu sais m'envoûter. Quand tu danses, tout le monde fait. Hey, oh oh, hey, oh oh, hey, oh oh. Quand tu bouges, quand tu danses, tout le monde fait. Hey, oh oh, hey, oh oh, hey, oh oh. Quand tu bouges, quand tu danses, tout le monde fait. Quand elle s'avance sur la piste, tout le monde fait. Les gars qui ont du fils, elle repousse. Les avances des beaux gosses, des riches pareils. Je m'en vais tenter ma chance. Dans la salle, je suis la cadence. Couleur ascensionnée des hanches. C'est chaleur quand elle danse. Doucement et lentement. Malgré ses manières, elle m'a envoûté. Et doucement, lentement. Oh yeah. Quand tu bouges, quand tu danses, tout le monde fait. Hey, hey, oh oh, hey, hey. Qui te transformerait en glaçon. Dompter des lions, elle en fait une passion. Bam bam bam bam bam bam bam bam béa. Elle a une manière de tout refuser. Le genre de regard que tu peux pas abandonner. Mais s'il te plaît, arrête d'abuser. Arrête d'abuser, arrête d'abuser. Oh là là, t'as trop de swag. Oh là là, mais tu fais ta princesse. Oh là là, hey, malgré tes manières, tu sais m'envoûter. Quand tu danses, tout le monde fait. Hey, hey, oh oh, hey, hey, oh oh, hey, hey, oh oh. Quand tu bouges, quand tu danses, tout le monde fait. Hey, hey, oh oh, hey, hey, oh oh, hey, hey, oh oh. Quand tu bouges, quand tu danses, tout le monde fait. Baila, baila, baila. Quand tu danses, tout le monde fait. Hey, oh oh, hey, oh oh, hey, oh oh. Quand tu bouges, quand tu danses, tout le monde fait. Hey, oh oh, hey, oh oh, hey, oh oh. Quand tu bouges, quand tu danses, tout le monde fait. Hey. Quand tu danses, tout le monde fait.